caché, il y a fréquentance. Pas songer si t'es con surveillance. Bureau d'information, pas jamais manqué, tu es attention. Yo pire passé assis, avant yo groupe mettre infanticide. Rélé yo mauvais jé, si yo pas corrigé. Rélé yo mauvais jé, si yo pas corrigé. Coton, y a point de salis gagné, pas même maman pas ça dit ou rien. Ça moi exemple un danger, ou croiser à monter la Saint-Aba. Yo comprends son état, ou y a l'entrée manger. Yo comprends son état, ou y a l'entrée manger. lever sans parler, passer des sommes à l'académie. C'est métier, c'est métier même, ça ouais. Qui vient lever sans parler, passer des sommes à l'académie. Maman le Khalil, papa le Khalil, c'est toujours de même. Qui vient lever sans parler, passer des sommes à l'académie. Chien habitué à manger des œufs, c'est œufs pour manger. Sans peine pour le bail, maman.